Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Hey, salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock et pas que. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock, à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes, avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classic rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 21, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock, de la Peel Session et un hommage en quatrième partie d'émission à Tom Verlaine. Eh bien, si t'es prêt, on va commencer avec Lexicon Devil, une chanson de The Germ, un groupe de punk rock originaire de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. La chanson a été écrite par le chanteur Darby Crash et est apparue sur leur premier album et le seul album studio, intitulé G.I. en 1979. Lexicon Devil est considéré comme une chanson emblématique de la scène punk de Los Angeles des années 70 et est souvent considérée comme l'une des chansons les plus importantes de The Germs. La chanson est rapide, abrasive et caractérisée par les paroles anarchistes et anti-autoritaires de Darby Crash. La musique de Lexicon Devil est influencée par les premiers groupes punk tels que The Stooges et The New York Dolls et est souvent citée comme étant un exemple de la nature primale et agressive de la musique punk. On enchaînera avec Angels with Dirty Face, chanson du groupe punk rock britannique Shame 69. La chanson est apparue sur leur album de 1978, Tell Us The Truth. Shame 69 est considéré comme l'un des premiers groupes de punk rock de la scène punk britannique des années 70. Et Angels With Dirty Face est considéré comme l'une de leurs chansons les plus populaires. La chanson a été accueillie avec enthousiasme par les fans de punk pour sa musique agressive et ses paroles pleines d'énergie. Le titre est souvent interprété comme une référence aux jeunes délinquants et à leur vie difficile dans les banlieues, et les paroles de la chanson reflètent les préoccupations sociales et politiques de Shame 69 et de la scène punk de l'époque. Je te passerai ensuite Victims of the Vampire, chanson du groupe punk rock britannique Slaughter and the Dogs. Elle est apparue sur leur premier album studio Do It Dog Style en 1977. Le titre Victims of the Vampire est souvent interprété comme une référence à la culture punk et aux personnes qui y adhèrent, qui se sentent opprimées par la société et les autorités établies. Les paroles de la chanson reflètent les préoccupations sociales et politiques de Slaughter and the Dogs et de la scène punk de l'époque. La musique de Victim of the Vampire est rapide et agressive, avec un riff de guitare énergique et des paroles défiantes qui reflètent l'attitude rebelle de la musique punk. Et on terminera cette série avec The White Cats et Second Time Around, enregistré dans les studios de la BBC début 1978. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. C'est un bordel. We'll be right back. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Deuxième partie du Stone Rock Show avec I Need, chanson du groupe punk rock britannique Buzzcocks. Elle est apparue sur leur premier album studio Another Music in a Different Kitchen en 1978. I Need est une chanson qui parle de la solitude et du besoin d'affection et d'acceptation. Les paroles sont très introspectives et révèlent les préoccupations personnelles du chanteur et de la scène punk de l'époque. La musique de I Need est rapide et enlevée, avec un riff de guitare accrocheur et une mélodie entraînante. Les paroles sont délivrées de manière incisive et déterminée, reflétant l'attitude rebelle de la musique punk. Je te diffuserai ensuite No Way, chanson du groupe punk français Dogs. Elle est apparue sur leur premier album studio Too Much Class for the Neighborhood en 1977. No Way est une chanson qui exprime une attitude rebelle et défiante face aux autorités établies et à la société en général. Les paroles sont très directes et se concentrent sur les préoccupations politiques et sociales de la scène punk française de l'époque. Petite anecdote au passage, lorsqu'il a diffusé ce titre dans son émission, John Peel s'est un peu moqué de l'accent franglish du chanteur des Dogs, Dominique Labouré, en disant à ses auditeurs « Imagine that we should speak with a French accent ». Bon, ce n'est pas méchant, car nos amis anglais veulent s'essayer à la chanson française. Parfois, ça donne des versions assez loufoques, c'est de bonne guerre. On enchaînera avec Warm Leatherette, titre du groupe New Wave britannique The Normal. Elle est apparue sur leur premier single en 1978. Warm Leatherette est une chanson qui traite du thème de la technologie et de la société de consommation. Les paroles sont futuristes et parlent de la façon dont les machines sont de plus en plus intégrées dans notre vie quotidienne. La musique de Warm Leatherette est caractérisée par l'utilisation d'une guitare électrique minimale et d'un synthétiseur électronique. Les paroles sont délivrées de manière monocorde et mécanique, reflétant la thématique technologique de la chanson. Et on terminera cette série avec Slide, chanson du groupe New Wave américain The Rat Race. Elle est apparue sur leur premier album Wasn't Tomorrow Wonderful. The Waitress était un groupe de post-punk qui s'est fait connaître pour leur style musical unique qui combinait des influences punk, new wave et pop. Leur musique était souvent considérée comme décalée et humoristique, et ils étaient connus pour leurs paroles sarcastiques et décalées. Les paroles de Slide parlent de la difficulté à trouver un travail et d'essayer de faire face à la vie quotidienne dans un monde économique difficile. La musique est caractérisée par une basse entraînante, des guitares punk et des synthétiseurs new wave. Ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Spending all the time as a wreck on the ship. I gotta find a way. Have another place I'm down with fading away. I look on my mom, got a new haircut. I'm in love with you now. But I don't know where I'm going and I'm still feeling nowhere. I never try, I never go to sleep. I just wanna survive, and I'm gonna find a plenty of kids. But this one was the most sound. I see nowhere in the world. Nowhere for me, I know. I gotta find it, find it. Tell me what did I do to be so low, low, low, low, low, low. I wanna jump out of I hope we can be out there, help us get together. I never try, try, I never go to sitting. I do the best that I can. And I've almost found a brand new sound. What can I do if you say you don't like it? Just because you have to run after you, I see nowhere now. Nowhere now! Le Stone Rock Show. Ah, quel pied! leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set. Grenade, grenade. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention, les jeunes. Eh oui, c'est la révolution. No second story windows, man, and a pet the dog each time you leave. But if my sneaking gets me into trouble, it gets too hot for me to stick around. Got a handy little well-rehearsed maneuver. On your mark, take a deep breath, read up. Running. I see something's right for me. A little boost will never hurt nobody. Pay why pay if I get it free. But if my stealing gets me in trouble, it gets too hard for me to stick around. Got a handy little well-rehearsed maneuver. On your mark, take a deep breath. We'll be right back. sure of every move. A rooster stepping diamondback, a work of voodoo smooth. But if my strutting gets me into trouble, it gets too hard for me to stick around. I got a handy little well-rehearsed maneuver. I am a ticket deeper. Rock Show. Émission d'Olive. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie de l'émission avec Car Crash, chanson du groupe punk américain Avengers. C'est une des chansons les plus populaires du groupe et l'une des plus connues du mouvement punk californien des années 70. Les Avengers étaient un groupe punk formé à San Francisco en 1977. Et Car Crash est une des chansons punk classiques qui parle des dangers de la vitesse et de la conduite en état d'ébriété. Les paroles sont sarcastiques et décalées et la musique est rapide et enlevée avec des guitares punk et des batteries puissantes. Je te passerai ensuite Terry is a Space Cadet du groupe The Ready-Mades, extrait de leur EP sorti en 1977 chez Automatic Records. On enchaînera avec Ghost Rider, chanson du groupe new-yorkais de post-punk et de synth-punk Suicide. Elle est sortie sur leur premier album autotitré en 1977. Suicide était composé de Alan Vega au chant et Martin Rev au clavier et était connu pour sa combinaison unique de musique électronique minimale, de guitare abrasive et de paroles poétiques. Ghost Rider est considéré comme l'une de leurs chansons les plus connues et les plus influentes, et a été salué pour sa production innovante et son esthétique punk. La chanson est structurée autour d'une ligne de synthétiseurs répétitives et d'une batterie électronique minimale, avec des paroles poétiques décrivant une sorte de cavale éternelle à travers le pays. La voix grave et expressive de Vega ajoute une tension dramatique à la chanson. Et on terminera cette série avec Walk On By, chanson du groupe de rock britannique The Stranglers. Elle a été publiée pour la première fois en 1978 sur l'album Black and White. Cette chanson est une reprise de la chanson populaire de 1964, écrite par Burt Bacharach et Al David et interprétée par John Warwick. The Stranglers a donné à la chanson une nouvelle orientation en lui apportant une touche de punk rock et de new wave. La version de The Stranglers est plus sombre et plus dure que l'original, avec une section de guitare accrocheuse et une voix puissante de Hugh Cornwell, le chanteur du groupe. Malgré son approche alternative de la chanson populaire originale, Walk On By a été un succès commercial pour The Stranglers, atteignant le top 20 du classement des singles britanniques. Don't you have a car crash? Now you're on the road with your head. Oh my gosh. What do I do? Sneaking round and round in a blue jumpsuit. sounds like a hero. Bee bee bee bee bee bee's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Goose rider, motorcycle hero. He's screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Chris Ryder. Mais vous fumez, monsieur. If you see me walking down the streets and I start to cry each time we meet, walk on by. Now walk on by. And make believe that I can see the tears. And let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you, I just wanna cry. And you, so if I seem so broken in pieces, walk on by. Oh, walk on by. And foolish pride, if I can't see the tears, Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show. Tom Verlaine est un musicien, chanteur, guitariste et compositeur américain, né en 1949 à Danville, New Jersey. Il est surtout connu en tant que fondateur et leader du groupe de rock new-yorkais Television, qui a été formé en 1973. Television a été l'un des groupes les plus influents du mouvement punk new-yorkais des années 70, en grande partie grâce à la guitare avant-gardiste de Verlaine et à ses chansons poétiques et introspectives. Le groupe a sorti deux albums, Marquee Moon en 1977 et Adventure en 1978, qui ont été acclamés par la critique et ont établi Verlaine comme l'un des guitaristes les plus innovants de sa génération. Après la séparation de Television en 1978, Verlaine a continué à travailler en tant qu'artiste solo, sortant plusieurs albums qui ont été très appréciés par les fans et la critique. Ses enregistrements solo comprennent Words from the Front en 1982, Dreamtime en 1986 et Warm and Cool en 1992. Verlaine a également collaboré avec d'autres artistes, enregistrant les albums avec des artistes tels que Richard Lloyd, Fred Meyer et Dougie Brown. En 2001, il a reformé Television pour une tournée réussie et a continué à jouer avec le groupe de manière occasionnelle. Il nous a quittés le 28 janvier 2023 et je vais lui rendre un hommage ce soir dans le Stone Rock Show en te diffusant 4 titres. That's All I Know, chanson du groupe de rock new-yorkais The Neon Boys. The Neon Boys était un précurseur de la scène punk de New York et a été formé en 1971 par Tom Verlaine et Richard Hell. Le groupe a été actif pendant environ un an avant de se dissoudre, mais a laissé une trace importante sur la scène musicale new-yorkaise en tant que l'un des premiers groupes punk de la ville. La chanson a été enregistrée en 1975. Je te diffuserai ensuite Break It Up, chanson de Patti Smith, une artiste de rock punk et poétique considérée comme l'une des pionnières de la scène punk de New York dans les années 70. Elle a écrit et enregistré Break It Up pour son premier album Horses, sorti en 1975. Tom Verlaine a co-écrit la chanson avec Patti et y joue de la guitare. On enchaînera avec deux titres du groupe Television, See No Evil, qui figure sur l'album Marquee Moon, sorti en 1977, et Days, que je t'ai déjà diffusé lors d'une émission précédente, qui figure sur leur deuxième album Adventure, sorti en 1978. Rest in peace, Tom, et merci pour tout. Right. stopped in a clearing. Ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I caught it. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. le Stone Rock Show. Émission d'Olive. Voilà, le Stone Rock Show c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie et que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Pin Session de la semaine. Tu as sans doute remarqué, si tu es fidèle de l'émission, que je ne t'ai pas passé de titre du groupe Wire ce soir. En voici 4 avec leur Pill Session enregistré le 18 janvier 1978 dans les studios de la BBC et diffusé pour la première fois dans le John Pill Show le 31 janvier 1978. Tu vas pouvoir entendre Practice Makes Perfect, I Am The Fly, Culture Vultures et 106 Beats That. Le jeudi, c'est Manu sur Stone Rock avec C'est quoi ce disque à partir de 17h avec Neil Young et The Inspector Clouseau. Et vers 20h, ce sera le Rock Alternative Show. Et vendredi, retrouve Jane en live vers 21h avec Totalement Rock. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud, sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, ami du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye! Do it. cross way. To the jet, watch as it's all gay. But there's an air very low, often close to the earth. I am a fun in the only place I can spend. No disease, none of this. Wings never arrive. No more, no less. Below or above, the better and best.